Et les bûchers, les plombs, la torture, les bagnes, les hôpitaux de fous, les tours, les lupanars, la vieille invention, la musique, les arts et la science, et la guerre, engraissant la campagne, et le luxe, le spleen, l'amour, la charité, la faim, la soif, l'alcool, 10 000 maladies. Oh, quel drame ont vécu ces cendres refroidies! Mais dors, c'est bien fini, dors pour l'éternité. Ô convoi solennel des soleils magnifiques, nouez et dénouez vos vastes masses d'or. Doucement, tristement, sur de graves musiques, menez le deuil très lent de votre sœur qui dort.